Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top, amateurs de films policiers, c'est pour vous. Usé, brisé, grillé, Drieux est un policier en fin de parcours. Ce mystérieux capitaine de la brigade de répression du banditisme se retrouve muté dans un commissariat de province, isolé, promis à une rapide démolition. Là-bas, plus personne n'y croit. Le commissaire Vasseur et son équipe, Jean-Bas, Vazem, Manu et Katia, sont totalement démotivés. Le laxisme et la désillusion font le jeu de la pègre locale qui prospère en toute impunité. Drieux remarque pourtant certains détails troublants au milieu des misérables affaires en cours. Tu la portes où ton arme ? J'en porte pas. Qu'est-ce que vous venez foutre chez nous exactement ? Mutation, intérêt du service. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de vous fondre dans le paysage. Ici, on fait juste tourner la boutique, c'est tout. Vous prendrez la tête du groupe investigation ? Vous lui faites un état des lieux ? Il est parti pour dépaver la rue ou quoi ? Il est surtout parti pour nous faire chier, oui. Nos collègues sont tous mes amis. La police a table ouverte ici. De quoi vous avez peur ? C'est trop grand pour nous, c'est tout. C'est pour les scupes. On sait rien, donc il se passe rien. C'est plus un commissariat, c'est juste des douaniers à la frontière d'une zone de non-droit. L'opération commando menée par des professionnels n'aurait duré que quelques minutes. D'après la direction générale de la police judiciaire, le truand serait bel et bien introuvable. Ici, les voisins se taisent et les flics s'en foutent. Eh ben, il s'arrange pas, lui, hein. Vous allez pas me pourrir la vie, Drieux. Les Insoumis, un film de Claude-Michel Rome avec Richard Berry, Zabou Breitman, un DVD, M6 Vidéo.